Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Et bien entendu, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous, de vous offrir un deux heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CIFA B Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMR Miramichi Nouveau-Brunswick, CHU la radio de l'Université d'Ottawa, CFRH la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario, Envol 91 Saint-Boniface Manitoba, CFRG Gravelbourg Saskatchewan, CILS Victoria Colombie-Britannique, CIVR Yellowknife Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contact d'artistes francophones, vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. On va poursuivre le bloc de l'Est Québec-Ontario avec René Ray, excellente chanson, « Protège-moi de l'ombre » en duo avec Denis Coulombe. Très belle chanson, vous allez voir, très beau folk roots, assez intéressant, très beau texte. Donc ça s'en vient dans quelques instants. On va entendre aussi « L'odeur de la terre » d'André Varin qui, sur un post Facebook, m'a fait sourire cette semaine. Il dit qu'à 55 ans, il n'a jamais été aussi occupé professionnellement. Et, ça va bien avec son amoureux, avec sa musique. Et il joue de la musique régulièrement et très content. Donc, nous autres aussi, on est contents pour toi, mon cher. On va l'entendre avec tout simplement une très belle chanson, « L'odeur de la terre ». Ça s'en vient dans quelques instants. Mais cet automne, on aura droit à un reportage balade avec l'artiste qui s'en vient maintenant. René Ray, on l'écoute avec Denis Coulombe. Voici « Protège-moi de l'ombre ». Protège-moi temps en temps, soit deux. Si je t'explique mon cas, puis t'aimes pas ça, respire un instant. La rage qui monte se charbonne mieux si on comprend. Le nom apparaît moins souvent. Reste ici, je t'en sur l'eau vive, mais les dieux de l'enfarge m'ont rivé à la rive. Les trésors de la mer, les forêts enchantées, les jupons de ma mère ont su les supplanter. À quoi bon se mentir, à quoi bon trop rêver? Faut savoir partir bien avant d'arriver. Et l'eau de la rivière fuyait devant mes pas, et l'odeur de la terre m'enchaînait chez moi, et l'odeur de la terre m'enchaînait chez moi. Dépasser les frontières qui touchent l'éternité, pour retourner la pierre qui cache ma vérité. Mais le doute s'invitant comme un malentendu, à la poutre du temps mon rêve s'est pendu. À quoi bon se mentir, à quoi bon trop rêver? Il faut savoir partir bien avant d'arriver. Et l'eau de la rivière fuyait devant mes pas, et l'odeur de la terre m'enchaînait chez moi, et l'odeur de la terre m'enchaînait chez moi. Ici le drapeau blanc pour l'hypothèse des peureux, j'ai fait partie du clan qui craignait d'être heureux. Et l'eau de la rivière fuyait devant mes pas, et l'odeur de la terre m'enchaînait chez moi. Et l'eau de la rivière fuyait devant mes pas, et l'odeur de la terre m'enchaînait chez moi. Et l'odeur de la terre m'enchaînait chez moi. voir partir bien avant d'arriver. Dans la mer, le monde en a tant besoin. Dans la mer, c'est un geste qui porte loin. Tends la main selon l'élan de ton cœur. Tends la main, sois une source de bonheur. Tout comme une semence, un gentil mot au cœur fait germer des pensées pouvant chasser de frayeur. Une bonne habitude facile à cultiver, produisant des fruits que tous pourront un jour récolter. Dans la mer, le monde en a tant besoin. Dans la mer, c'est un geste qui porte loin. Selon l'élan de ton cœur, tends la main, sois une source de bonheur. On peut en quelques secondes faire la différence dans la vie des gens autour de soi, en prenant le temps aller jusqu'au bout du monde, offrir de la bonté et aller transformer des rêves en réalité. Oh, oh, oh, oh, souviens-toi des gens qui pleurent, souviens-toi des gens qui meurent, écoute le cri. Ferline Regis et sa chanson « Tends la main » tirée de son album « Tout va changer ». Ferline Regis qui faisait partie des 150 franco-ontariens invités à participer à la marche pour le défilé de la Saint-Jean-Baptiste. Ils ont été invités par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Et elle était là pour chanter des chansons franco-ontariennes. Donc, bravo pour cette belle représentation. Merci de l'invitation à la Société Saint-Jean-Baptiste. Ça nous amène à notre bloc instrumental, piano jazz cette semaine. On va commencer par Jean-Cyan MG Trio, Road to Nowhere, tiré de son nouvel album, Wonderland. Et elle va être très occupée au mois de juin, juillet, août, du côté de Montréal, de Gatineau aussi, pour quelques spectacles. Elle va être, entre autres, aussi à la mi-novembre du côté de Toronto. Je vais essayer d'aller faire un tour. Donc, on va l'entendre avec Road to Nowhere. Très bonne pièce. Par la suite, une autre bonne pièce, Love for Sale, de Michel Grégoire de Winnipeg. Et puis elle, ben écoutez, elle va être très occupée au mois d'août, surtout du côté de Calgary, parce que elle va participer au Jazz Camp, qui est un camp pour les jeunes là, de 14 ans et plus, du 19 au 23 août, du côté de Calgary. Donc, ça va la tenir très occupée. Thank you.